In a radical style, Lily. Pour passer les condiments. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome. Come. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy in a scar time. Scar time. Hey, j'en donne dans tous les styles. Massive y'a qu'à demander. T'es bon chez Ragamuffin, c'est beau pack. T'as demandé, vas-y bouge, vas-y danse sans vouloir te commander. C'est la folie dans la salle. La fête peut commencer, rude boy. Seul ou en lacet, tu veux relâcher la pression. Oui, toute la nuit, tu veux danser sur nos wicked selections. Ça, c'est l'armée du radical original. Débuté d'arriver, c'est sans faire de détails radical. C'est le saut. Sans les rythmes, je m'exprime pour éviter la déprime de ce monde qui m'emmerde, de ces connards qui m'opprime. Pas de place pour la frime, je ne porte pas de bling, mais pas de star dans mes rimes. Radical, c'est le saut. Rude boy, y'a la scar time. Radical, sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy, y'a la scar time. Radical, sounds a welcome, come. Rude boy, y'a la scar time. Radical, sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy, y'a la scar time. Scar time. Hey. Quand j'envoie le fire bone, de moi c'est l'original rude boy dans le sound system. Pour passer des combats, tu connais tel de pur ragamuffin. Hey, quand j'envoie le fire bone, de moi c'est l'original rude boy dans le sound system. Pour passer des combats, tu connais tel de pur ragamuffin. Hey, il me juge, me condamne pour part de mic illégal. Pour incendie volontaire, man, j'ai cramé la dance. Alors je ne dépasse pas les armes avant que Babylone die. Original rude boy, c'est boom, bye bye. Il me juge, me condamne pour part de mic illégal. Pour incendie volontaire, man, j'ai cramé la dance. Alors je ne dépasse pas les armes avant que Babylone die. Original rude boy. Say boom bye bye. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome. Come. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy in a scar time. Scar time. Hey. Rude boy in a scar original dans la dance hall. Selecta dans mon spine dans les sons. Boy c'est le son radical l'animal sur le beat. Mal à mon qui s'installe. Pour pas sonner automatique. Pas comme envie t'as reconnu. Non y'a rien de mathématique. Dans ma clique y'a pas de bandit. On te donne tout ce qu'on a chaque fois. Tout ce qu'on a chaque c'est tout ce qu'on a sans oublier qui on est. On te donne tout ce qu'on a chaque fois. Tout ce qu'on a chaque c'est tout ce qu'on a sans oublier qui on est. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome in a the dance hall. Rude boy in a scar time. Radical sounds a welcome. Come. Rude boy. Come.